je sais pas pourquoi cette emprise qu'il a sur moi. Je me demande comment et pourquoi. Trop de pression sur moi, tout ça me fait faire des faux pas. Je comprends pas comment ni pourquoi.